Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct lundi 30 mai 2011 de 18h à 21h et sera rediffusée mardi 31 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Marie-Françoise, merci à vous Claudio qui réalisait cette émission ou qui allait la réaliser. Je dis bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct. Ce lundi 30 mai 2011, semaine C du cycle des émissions de Radio Courtoisie. Et je dis bonjour à ceux qui nous écouteront en rediffusion demain à partir de 7h30. Et bonne nuit à ceux qui, noctambules, insomniaques ou travailleurs de la nuit, vont nous écouter à partir de 2h du matin. Nous allons parler beaucoup politique ce soir. Je prie les amateurs de littérature qui nous ont écoutés sur Balzac la semaine dernière de nous pardonner. Mais la politique nous appelle, elle est riche d'événements. Et nous allons parler d'un sujet dont on parle peu encore, mais nous anticipons. L'enjeu des élections sénatoriales du 25 septembre 2011 et du scandale de la corruption en France. Et vous allez voir que le lien entre ces deux sujets est établi par deux de mes trois invités qui ont créé l'association Anticor. J'ai nommé Hubert Souillard et Jean-Luc Trottignon, ici présent. Jean-Luc Trottignon qui est vice-président d'Anticor, conseiller municipal de Rambouillet. Hubert Souillard qui est, je crois, aussi membre d'Anticor et qui est candidat aux élections sénatoriales comme Jean-Luc Trottignon, lequel est même tête de liste de cette liste qui est présentée par l'association Anticor dans les Yvelines. Alors je dois dire, Monsieur Tron, s'il nous écoute, Monsieur Georges Tron, ex-ministre démissionnaire hier dimanche, qui n'a pas besoin d'adhérer à l'association Anticor, car cette association, malgré son nom, n'a aucun rapport avec les pieds. Voilà, c'est une association, c'est Corps pour Corruption, c'est une abréviation. Donc, Monsieur Tron, si vous êtes intéressé par la lutte contre la corruption, ce qui est une œuvre pie, eh bien, vous pouvez adhérer. Mais en revanche, pour vos affections habituelles, ça n'a rien à voir. Voilà, hein. Donc, j'ai deux invités qui sont candidats dans le département des Yvelines, où les élections sénatoriales ont lieu au suffrage indirect comme partout, mais au scrutin proportionnel, au scrutin de liste, et qui sont donc indépendants des partis politiques, puisqu'ils ont créé une liste sous l'étiquette de l'association Anticor, qui veut dire anticorruption. Et puis, pour arbitrer notre discussion, j'ai invité un philosophe, parce que j'estime que la corruption est un sujet suffisamment grave pour que l'on puisse faire appel à un philosophe à l'esprit aiguisé. Vous allez me dire que c'est un pléonasme, cher Kostas Mavrakis, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a des philosophes qui sont un peu plus lourds que d'autres, et vous êtes un philosophe à l'esprit aiguisé. C'est normal d'ailleurs, parce que vous êtes grec, d'origine au moins, vous êtes français, vous êtes binational maintenant, ouais. Vous êtes assez bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, et même, mais pas assez. Vous ne serez jamais assez connu d'ailleurs, parce que vous êtes un homme éminent. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « De quoi Badiou est-il le nom ?» parce que vous avez quand même quelques défauts, parce que vous avez fréquenté le gauchiste Alain Badiou, qui se réclame de Marx, Lénine, Engels, Staline, Mao et quelques autres. Enfin, un type abominable. Et donc, bien, vous philosophez sur l'art, vous philosophez sur la société, et là, vous allez philosopher avec nous sur la corruption. Si vous en êtes d'accord, Kostas Mavrakis. La corruption, c'est un sujet que je connais bien parce que je l'ai étudié, que je l'ai combattu dans le département des Yvelines, et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un sujet national. Je voudrais dire qu'il faut rendre hommage aux gens comme Hubert Souillard et Jean-Luc Trottignon, qui ont engagé une action politique contre la corruption, parce qu'elle est souvent mal comprise, elle est indispensable pour le bon fonctionnement de la démocratie et de la République. Et Jean-Luc Trottignon, donc vous êtes vice-président de l'association Anticor, et donc vous êtes un de ceux qui ont compris qu'il fallait s'engager pour l'honnêteté politique. Expliquez-nous comment a été créée cette association Anticor. Et ensuite, je vous demanderai si la corruption avance ou recule dans notre malheureux pays. Bonsoir tout d'abord, et je vous remercie de cette introduction. Juste une petite précision, nous n'avons pas, avec Hubert Souillard, moi-même, nous n'avons pas créé Anticor. Anticor Yvelines, oui, nous y avons participé. Moi, j'ai dit que vous avez créé une liste. Oui, oui, et voilà, mais simplement pour... c'est donc le juge Eric Alphen, c'est le juge Alphen, ouais. Tessier, qui en 2002 ont créé Anticor, qui a grandi en quelques années. Et nous sommes en train de prendre un certain envol, parce que on nous refusait d'intervenir directement en justice pour des actions citoyennes en justice. Des actions civiques, ouais. Oui, tout à fait. C'est pas uniquement des plaintes, ce sont des actions civiques pour rétablir l'éthique en politique. Ça nous était, nous étions déclarés irrecevables en tant qu'association. Jusqu'à novembre dernier, où il y a une jurisprudence de la Cour de cassation, la jurisprudence des biens mal acquis concernant des chefs d'État africains et leurs biens, avec de l'argent détourné dans leur pays, qui ont acquis donc beaucoup de biens en France. Et cette jurisprudence des biens mal acquis a autorisé une association anticorruption, qui est une autre association, Transparence Internationale, à finalement être acceptée, admise comme partie civile. Donc depuis, nous avons effectivement, réellement, les moyens d'agir et d'avoir du poids. Au niveau national, on ne peut pas être partout à la fois, malheureusement, il y a trop de travail au niveau anticorruption. Mais au niveau national, ça nous a permis d'intervenir, d'être partie civile dans des affaires comme celle de Karachi, celle des sondages de l'Élysée, dans le procès Chirac. Voilà, ce qui est des affaires emblématiques, symboliques. Moi-même, donc, en tant que vice-président d'Anticor, alors moi, je me suis investi en 2007 et je suis vice-président depuis janvier dernier, chargé des collectivités locales. Donc, de la commune de Paris également. Donc, je suis en charge notamment de la requête. Vous êtes chargé de la requête contre la délibération Chirac-Delanoë, qui a permis à Jacques Chirac et à l'UMP d'acheter le retrait de parti civil de la ville de Paris. Ouais, c'est un scandale, ouais. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a un exemple de... De complicité de la classe politique. De connivence, oui. Bah, ce qui vous paraît, c'est l'évidence. Enfin, excusez-moi. Vos prudences de langage sont-elles bien nécessaires? Costas Mavrakis, là. Alors, là, vous qui êtes un philosophe, hein. Est-ce que vraiment il faut avoir tant de prudence de langage quand on assiste à cette connivence évidente entre M. Delanoë et M. Chirac, M. Delanoë, maire de Paris, qui retire la plainte qui avait été déposée contre Jacques Chirac, lequel était accusé, il n'est pas encore condamné, donc il est présumé innocent, hein, bon, on va le dire souvent, hein, présumé innocent, quels que soient les soupçons ou les accusations portées contre lui. Donc, que pensez-vous de cette connivence au sein de la classe politique ? Moi, je dirais que là, que... Vous dites que les habiletés subalternes des politiciens qui s'entendent comme larrons en foire... C'est le terme propre, larrons en foire. Hein. Voilà. C'est une expression, mais un larron, en français un peu dépassé, enfin un peu ancien, ça veut dire voleur. Exactement. Et donc, c'est quelque chose à quoi je ne réfléchis pas beaucoup. En revanche, je réfléchis aux causes de cette corruption qui se répand, pas seulement en France, mais dans le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un rapport avec l'atmosphère que crée la domination de l'argent, tout simplement ? Si toutes les valeurs de notre société ont pour pivot et tournent autour de l'argent, est-ce que le capitalisme n'est pas en train de scier la branche sur laquelle il est assis, étant donné que précisément il a besoin d'hommes d'État, de fonctionnaires intègres et justement cette espèce se raréfie pour la raison que je viens de te dire. Oui, vous avez raison, vous avez mis le doigt sur un sujet bien délicat et bien important qui est le rapport entre la corruption et le règne de l'argent dans notre pays. Alors, j'aimerais, avant que nous approfondissions ce sujet de la corruption, que nous donnions des exemples, parce que pour approfondir, il faut donner des exemples concrets. Moi, j'aimerais vous parler, puisque vous êtes des Yvelines, M. Trottignon, M. Souillard, de l'affaire Bédier. Je crois qu'il faudra consacrer au moins 5 minutes pour raconter l'affaire Bédier, l'affaire Pierre Bédier, qui est une affaire extraordinaire, emblématique, comme on dit, parce qu'elle concerne l'ancien président du Conseil général des Yvelines. Et ce qui est emblématique dans ce cas-là, ça n'est pas le fait qu'il y ait une brebis galeuse, c'est le fait que toute la classe politique UMP du Conseil Général des Yvelines, et quand je dis UMP, l'ensemble de la classe politique, y compris la gauche, a été solidaire de cet homme qui était pourtant, évidemment, selon toute probabilité, corrompu, puisqu'il avait déjà été condamné en première instance, en seconde instance, et jusqu'au bout, jusqu'à la condamnation définitive. Alors, nous allons y revenir, mais je voudrais que nous n'oublions pas que nous devons aussi parler de l'enjeu de l'élection sénatoriale. Alors, Monsieur Trottignon, vous êtes tête de liste. Enfin, tête de liste, vous serez tête de liste, parce oui, qu'il est encore trop tôt pour... Les listes ne sont pas encore déposées. Ce sont des élections qui auront lieu le dimanche 25 septembre 2011. Alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, si vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas conseiller municipal d'une ville assez importante, ou bien élu par un conseil municipal, ou bien élu supplémentaire, vous ne serez pas électeur à ce scrutin indirect. Bien. J'ai le privilège, en tant que conseiller municipal de Versailles, moi-même, Henri de Lesquin qui vous parle, d'être électeur donc, à ces élections. Et donc, vous devez, puisque vous êtes en campagne électorale, songez que je suis votre électeur, cher monsieur Trottignon. Alors, toute plaisanterie mise à part. Oui. Maintenant, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi les élections sénatoriales plutôt que les élections cantonales qui viennent d'avoir lieu, par exemple, pour vous lancer dans la bagarre politique au nom, de manière assez inhabituelle, originale, d'une association qui lutte contre la corruption. Monsieur Trottignon. Bien, parce que, en dehors des actions civiques, justement, en justice, tout ce que nous réclamons, et il y a des choses assez simples à mettre en œuvre, lutter pour l'éthique en politique et mettre des garde-fous anticorruption, ça passe par des lois. Ça passe par la création de lois ou l'adaptation ou des amendements particuliers. Je cite un exemple, et ça vous répondra peut-être également, monsieur, c'est que une chose très simple que notre liste, qui elle est complètement arrêtée définitivement, propose une liste indépendante de soutien à l'action d'Anticor qui s'appelle Relever la démocratie. La première mesure qu'on préconise, c'est tout simplement le conditionnement du financement des partis politiques, du financement public, à la signature d'une charte éthique contraignante qui les oblige à ne pas soutenir des candidats qui ont été condamnés dans leur gestion des affaires publiques, qui ont été condamnés définitivement dans leur gestion des affaires publiques. Ces candidats-là ne doivent plus être soutenus, ni, bien sûr, être investis comme candidats, ce qui est encore pire, mais même soutenus. Or, le financement public des partis politiques, c'est près de la moitié du financement de l'UMP, du PS, et sans ce financement, il serait extrêmement mal. Alors là, c'est très intéressant, cher monsieur Trottignon. Nous allons donner des exemples. Vous pouvez peut-être en ajouter d'autres, monsieur Souillard. Mais moi, je pensais en particulier au cas de monsieur Alain Carignan. Monsieur Alain Carignan était député-maire de Grenoble. Il a été condamné pour corruption. Il a passé 4 ans derrière les barreaux. Bon, au bout de 5 ans, il était inéligible. Il est redevenu éligible. Eh bien, en 2007... Il était redevenu éligible, il a été investi par l'UMP. Heureusement, il a été battu parce que la campagne s'est faite notamment sur la question de la corruption. Mais il est encore dans le premier cercle du pouvoir à l'heure actuelle. Le Figaro Magazine a publié il y a quelques mois une photographie où l'on voit à l'hôtel Beauvau, place Beauvau. Enfin, oui, ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. Monsieur Brice Hortefeux, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, entouré de ses principaux conseillers, de son équipe stratégique, et il y avait à deux places de lui Alain Carignan. C'est-à-dire que monsieur Hortefeux, ministre de l'Intérieur, a comme principal conseiller, mais je ne pense pas que ce soit différent aujourd'hui, bien qu'il ne soit plus ministre de l'Intérieur, un homme qui était condamné pour corruption dans la gestion d'une ville. Or, je vous rappelle que le ministère de l'Intérieur, notamment le ministère des collectivités locales, chargé de la tutelle des collectivités locales, et donc c'est extrêmement choquant. Bon, c'est extrêmement choquant que M. Carignan ait été investi par l'UMP, c'est extrêmement, pour les législatives, c'est extrêmement choquant que M. Carignan soit dans le premier cercle de M. Hortefeux, et j'ai appris, en lisant le journal Le Monde, que M. Carignan était un ami proche et un conseiller actuellement du président Sarkozy. M. Souillard, donc vous êtes aussi sur la liste Relever la démocratie qui est préparée ou qui sera présentée aux élections sénatoriales avec comme tête de liste M. Jean-Luc Trottignon ici présent. Alors sur ce sujet, sur cette proposition que vous faites avec l'association Anticor, anticorruption du juge Elfen, pour exclure définitivement les gens qui ont été condamnés pour corruption, pour assimiler en disant corruption, nous aurons peut-être à donner des précisions juridiques sur ce que c'est que la corruption, mais il y a beaucoup de délits qui ressemblent à la corruption. Qu'en pensez-vous ? Monsieur de Lesquen, je vous remercie de votre accueil ce soir. Et je salue vos auditeurs, bien sûr. Ce sont les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, j'ai beaucoup aimé votre plaisanterie introductive, comme on dirait en anglais. Sachez qu'Anticor n'est pas une pommade pour les pieds, mais c'est un excellent médicament contre la corruption. S'il est correctement appliqué, et je crois qu'au sein du conseil d'administration d'Abicor, il y a beaucoup de personnes très responsables qui se chargeront de donner les bons médicaments au bon endroit. Voilà. En ce qui concerne maintenant ce qui a été dit tout à l'heure sur la réticence à lutter ouvertement contre la corruption, il faut, faut que vous sachiez que les corrupteurs sont des gens très puissants. Ils corrompent, donc ils ont de l'argent. Et que les corrompus sont des gens aussi très puissants. Ils corrompent, ils sont corrompus, ils ont touché de l'argent. Et ils peuvent attaquer en diffamation. C'est pour ça que dans ce métier-là, il faut être extrêmement prudent. C'est surtout, malheureux. Surtout qu'à Radio Courtoisie, si vous tenez des propos diffamatoires, en ne respectant pas la présomption d'innocence, c'est la radio qui sera la première coupable. Oui, absolument. Mais j'ai donc évitez de nous embarquer dans... Mais j'ai cité Alain Carignon parce qu'il a été condamné de manière définitive, et Pierre Bédier également. Oui, donc alors j'y viens. Et je vous signale au passage, je le dis tout de suite aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais Alain Juppé aussi, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui représente la France, qui est un homme, qui est un repris de justice. Monsieur Alain Juppé a été condamné pour corruption. Très exactement, c'est pour le délit de prise illégale d'intérêt, mais c'est une des formes de corruption la plus répandue parce que la plus facile à cerner. Alors j'y viens. Jean-Luc Trottignon donc, a annoncé la première proposition qu'il fera quand il sera élu sénateur, c'est-à-dire l'interdiction pour les élus condamnés de se représenter. Attendez, expliquez-moi, parce que vous présentez une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats. Oui. Il y a 6 places et donc vous pensez n'avoir qu'un seul siège. Vous n'avez pas à avoir les 6 sièges. Vous savez, les tsunamis politiques... dans les salles UMP en France, à part lors des grandes révolutions, 1789, etc. Je ne crois pas qu'en soit en 1789... donc personnellement, je suis en position numéro 3. Je ne caresse aucun espoir d'entrer un jour au Sénat. Mais par contre, je ferai tout pour que mon ami Jean-Luc Carignon... aïe, aïe, aïe. Non, Carignon n'y rentre pas. Jean-Luc Trottignon. Ça rime avec Carignon, mais ça n'a rien à voir. À monsieur Carignon. Alain Carignon. En fait, on est toujours dans la République des copains et des coquins dont on parlait il y a une dizaine d'années. On en parlait à l'époque de... Oui. Ça fait plus de 10 ans. C'était l'expression qu'avait utilisée Michel Poniatowski, feu Michel Poniatowski, qui était le bras droit de Valéry Giscard d'Estaing, avant 1974, c'est-à-dire avant la présidentielle, pour attaquer l'UDR, ancêtre du RPR, ancêtre lui-même. Tout à fait. De l'UMP. Tout à fait. Et l'UMP qui ne veut pas dire, chers amis auditeurs, ne vous trompez pas, union des magouilleurs pour le pognon. C'est Alors, ce qui veut dire donc, définitive, je ne diffame pas parce que je dis que ça ne veut pas dire. Donc ça n'est pas une diffamation, vous êtes bien d'accord, monsieur. Dénégation. Non, UMP ne veut pas dire union des magouilleurs pour le pognon. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire ça. Voilà. Monsieur Souillard en fait partie. Donc, oui, mais alors lui, Carignon, c'est bien la preuve. C'est bien. Est tout à fait blâmable de s'être représenté. Et l'UMP qui l'a investi est encore plus blâmable. Encore plus blâmable. Mais vous savez, il y a le forfait qu'on commet soi-même. C'est le cas de M. Carignon. C'est lui qui s'est représenté. Il y a d'autres techniques. Je pense à M. Bédier, qui est frappé de 6 ans d'inéligibilité. Pour garder son nom au chaud, il a fait élire sa femme, Mme Bédier. Comme suppléante. Suppléante d'un conseiller... Conseil général. Mais alors là, vous allez plus vite que la musique parce qu'il faudrait expliquer l'affaire Bédier. Je propose que tout à l'heure, nous prenions. Je ferai plaisir de vous la raconter tout à l'heure parce que voilà. Comme je suis des Yvelines. Tout à l'heure. Et que la ville dont je suis issu, Maison Lafitte, est très proche de Poissy et que Poissy est très proche de M. Bédier, je vais vous raconter ça par le détail. Enfin, en 3 minutes, bien sûr. Non, mais ça mérite. C'est une affaire extraordinaire. Bon, alors continuez, M. Souillard, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Revenir sur votre question, je pense, et c'est ce point-là qu'il faut marteler, c'est qu'il faut mettre un point final à cette république qui dévoie ses responsabilités, qui abuse des électeurs et qui fait qu'en définitive, de plus en plus de gens ne veulent plus aller voter parce qu'en fait, ils ont l'impression que leur voix ne sert à rien, que de toute façon, les cartes sont battues et jouées d'avance et que malheureusement, ce sont les partis qui, décident. Moi qui me suis engagé à l'UMP en 2002, vous vous rendez compte, m'engager à l'UMP en 2002, j'ai cru au discours de M. Sarkozy sur une république exemplaire. J'ai cru que les choses allaient changer. Et je me suis aperçu... Ça témoigne de votre honnêteté, mais peut-être aussi de votre naïveté, cher M. Souillard. Oui, mais la naïveté est une preuve de jeunesse. Mais je le reconnais bien volontiers, je vous en rends voilà, grès, si on hommage naïf, plutôt. Et c'est pas M. le philosophe qui me démentira, on perd de... Costas Mavrakis. La naïveté est un puissant adjuvant. Il faut garder un peu de pureté de l'âme quand on lutte contre la corruption. Je vous remercie beaucoup. mais donc, pour revenir donc à mon propos, je pense qu'il n'est pas pensable de continuer à travailler comme ça. L'UMP, en fait, est un parti qui investit des personnes qui sont tout à fait blâmables, qu'on ne devrait jamais revoir sur le teuf politique français. Sur le quoi? Oui, ça me coûtera un centime. Sur le terrain politique. Sur le terrain politique. Étant de Maison Lafitte, c'est un mot TRF que j'emploie beaucoup. Bon, d'accord. Alors, bon, écoutez, moi j'aimerais que le philosophe nous donne, de temps à autre, il faut un peu de respiration philosophique. Et donc, que le philosophe s'exprime sur la question de la corruption, mais qu'il nous dise... Je vais lui poser la question philosophique fondamentale, qui est celle du principe du régime. Vous savez que Montesquieu disait dans l'Esprit des lois que chaque régime politique avait son principe. Alors je ne sais plus très bien le principe de tous les régimes qu'il évoquait. L'aristocratie, c'était l'honneur. La monarchie, je crois que c'était l'obéissance, il me semble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la République ou la démocratie, c'était la vertu, autrement dit l'honnêteté. Donc, c'était beaucoup moins grave que Mazarin fût corrompu au XVIIe siècle, parce que ce n'était pas une république ou une démocratie. Bon. Peut-on concevoir une démocratie qui soit corrompue sans que cela entraîne, en fait, le plus grave de tout? C'est-à-dire la construction d'un système d'apparence. Un jeu d'apparence où la démocratie est apparente, mais en réalité, on a substitué à la démocratie d'apparence un système complètement différent. Qui est l'oligarchie. Exactement. J'allais le dire. Les apparences, c'est la démocratie parlementaire. Les apparences, c'est la démocratie parlementaire. La réalité qui se cache derrière cette apparence, c'est l'oligarchie. Et quand Montesquieu disait que la démocratie, le principe de la démocratie, c'était la vertu, c'est parce que dans une démocratie, l'État a pour but le bien commun, le bien général. Donc, tous ceux qui participent à l'exercice du pouvoir ont cet objectif. Et quand je dis tous ceux qui participent à l'exercice du pouvoir, à Athènes, ça voulait dire tous les citoyens, sans exception, puisque les décisions étaient prises... Tout le monde n'était pas citoyen. Tout le monde n'était pas citoyen, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait, par exemple, des métèques qui n'étaient pas citoyens et des esclaves qui n'étaient pas citoyens. Mais la communauté qu'on appelle Athènes ou qu'on appelle Athéniens était constituée de citoyens, précisément. Et c'était elle, c'est à son sujet que se posait la question de la démocratie ou de l'absence de démocratie. Voilà. Alors, il n'y a pas de démocratie si ne prévaut dans l'esprit de tous ceux qui participent à la vie politique le bien général, le bien commun. C'est en ce sens que c'est la vertu qui est le principe de la démocratie. Alors, notre propos, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, c'est à l'occasion d'une discussion sur l'enjeu des élections sénatoriales du 25 septembre 2011... de parler du scandale de la corruption en France, raison pour laquelle j'ai invité M. Hubert Souillard, qui est notamment candidat aux élections sénatoriales et responsable d'Anticor, association de lutte contre la corruption fondée par le juge Alphen, et M. Jean-Luc Trottignon, vice-président d'Anticor, conseiller municipal de Rambouillet, et qui est également tête de liste pour les sénatoriales qui auront lieu le dimanche 25 septembre 2011, nous avons un peu d'avance avec le calendrier politique, mais c'est la prochaine élection importante en France. Cela dit, l'élection des grands électeurs dans les conseils municipaux a lieu le 17 juin. Et absolument, je suis convoqué le 17 juin par le maire de Versailles pour participer l'élection des suppléants, des délégués supplémentaires, oui, des électeurs supplémentaires. Voilà, pour vous, parce que vous êtes dans une très grande ville. Enfin, une très grande ville, oui, 85 000 habitants, ce n'est pas un million d'habitants, mais c'est une ville importante. Oui. Alors, Monsieur Souillard, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'expliquait notre ami philosophe. Il s'appelle Kostas Mavrakis. M-A-V-R-A-K-I-S. Fort joli nom, fort joli nom. Grec. Mais la Grèce est la patrie de la philosophie, donc après tout, il est dans son élément. Très bien. Je rappelle que le mot candidat vient quand même du mot latin candidatus, qui veut dire lavé de tout soupçon, blanchi. Les candidats c'est très beau. C'est très beau, ça, je ne le savais pas, c'est superbe. Candide. C'est superbe. Pardon. Candidat veut dire lavé de tout soupçon. Ah oui, ça vient. Candidatus, oui. Blanchi. Ah oui, c'est comme Candide, c'est vrai. Oui. Je n'y avais jamais pensé. Oui, et les candidats, je crois que c'est Victor Hugo qui parle de ça, des candidats vêtus de lin blanc, parce qu'il fallait se mettre en blanc hein, quand on vêtus de probité candide et de lin blanc. Et de probité candide. Vous voyez, on revient au caractère candide de certains. Donc, effectivement, à l'époque, avant de se présenter, il fallait faire la preuve qu'on était un homme propre. Maintenant, je dirais que c'est presque l'inverse. Pour se présenter, il faut avoir démontré qu'on a fait de mauvaises choses. Alors, je vais expliquer pourquoi, monsieur Souillard, parce que les auditeurs peuvent croire que vous exagérez. Je parle des auditeurs de Radio Courtoisie, bien sûr. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un système quasiment mafieux, celui qui est honnête, il est mal vu de ses collègues, parce qu'il ne joue pas le jeu. Il ne joue pas le jeu. Je sais. Et de plus, l'appareil du parti ne peut pas le tenir. Donc il est mal vu. Donc il y a, dans le système politique français actuel, une incitation à la corruption. Il est très difficile pour un élu de rester parfaitement intègre s'il veut se faire élire dans les grands partis politiques actuels comme l'UMP, avec tout le respect que je dois à ce parti. Oui. Mais moi qui étais maire adjoint et conseiller municipal pendant 3 mandats, c'est-à-dire 18 ans, j'ai vu tourner ce système. Je sais de quoi il s'agit. Par ailleurs, sur le plan professionnel, j'étais cadre, disons, supérieur d'un grand groupe français qui, comment dirais-je, fait dans la distribution de l'eau, du chauffage, des transports urbains, etc. Donc j'ai vu la corruption sous un autre angle. Et je peux vous dire que je pourrais écrire un véritable ouvrage sur l'art de corrompre. Écoutez, ce n'est pas la peine, il me semble qu'il y a suffisamment de gens qui sont doués dans ce domaine. Mais je suis persuadé que je pourrais apporter quelques pierres supplémentaires. Alors, pour revenir donc à ce qu'il disait notre ami philosophe tout à l'heure... Mavrakis. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas lui donner son nom. Hein. En 1789... C'est vrai que chez nous, non, il représente notre petit groupe, dans ce studio, la philosophie à lui tout seul. Mais enfin, on peut lui donner son nom. En 1789, le préambule de la Déclaration des droits de l'homme disait, et je cite, parce que je ne me souviens pas de mémoire... L'ignorance ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Et c'était une phrase qu'employait beaucoup Robespierre. Bon, ouais, il n'a pas laissé que de bons souvenirs. Mauvaise référence. Mais comment dirais-je les choses, à l'époque se disaient de façon claire et précise. On les mettait dans les préambules de la Constitution. Maintenant, c'est loin d'être le cas, cher monsieur. Non, mais alors attendez, parce que là, on peut être pur, c'est-à-dire de ne pas être corrompu et être un homme politique abominable comme Robespierre. Donc il ne suffit pas de ne pas être corrompu pour être un homme politique respectable et valable. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. L'exemple de Robespierre vient à point nommé. Êtes-vous d'accord ? Tout à fait. La pureté des idéologues fanatiques et révolutionnaires, qui ne sont pas eux-mêmes corrompus, qui peuvent utiliser éventuellement la corruption comme moyen de gouvernement, mais qui ont un idéal véritable, diabolique, mais véritable, est aussi terrible. Mais c'est autre chose, ce n'est pas ça dont nous parlons. Les idéologues en question, qui sont vertueux, on ne les rencontre plus beaucoup aujourd'hui dans notre brave République, notre pauvre République. Vous me permettrez peut-être, à un moment donné de l'émission... d'apporter un petit correctif humoristique, mais profond en réalité, à votre dénonciation de la corruption. Vous voulez le faire maintenant ou plus tard ? C'est comme vous voulez. Ah bah écoutez, là, vous donnez l'eau à la bouche aux auditeurs de Radio Courtoisie, donc allez-y. Alors, j'ai sous les yeux une citation de... Bertolt Brecht. Ah bah décidément, après Robespierre, nous rendons à Brecht. Voilà, moutard courage. Alors c'est vrai que nos amis de la liste anticorps sont hors des partis politiques, ni droite ni... Enfin, la liste est ni droite ni gauche. Monsieur Trottignon est lui-même plutôt centre-gauche. Monsieur Souillard est plutôt centre-droit, puisqu'il est UMP, mais c'est une liste... Nous avons deux modems. Non marqués sur le plan de l'étiquetage politique. C'est très bien comme ça. Allez-y. Oui, alors donc je parlais d'une citation de Bertolt Brecht dans Mutter Courage, dans laquelle... Mère Courage, oui. Dans laquelle Mère Courage fait un éloge, un panégyrique tout à fait surprenant de la corruption. Alors, je traduis. La corruption est chez les hommes la même chose que la miséricorde chez le bon Dieu. La corruption est notre seule chance. Aussi longtemps qu'il y en a, il y a aussi des sentences clémentes. Et même un innocent peut s'en tirer devant le tribunal. Alors c'est un éloge de la corruption que je ne m'attendais pas à entendre dans la bouche d'un philosophe, ce qui prouve que vous aimez le goût du paradoxe. Vous avez le goût du paradoxe, mon cher Kostas Mavrakis, cher maître. Nous pensons, enfin je parle sous le contrôle de M. Souillard et de M. Trottignon, que on ne peut pas, nous ne sommes pas des utopistes, nous savons très bien que la corruption ne disparaîtra pas, mais il y a des degrés dans la corruption dans un pays. Et ce qu'il faut, c'est diminuer ce degré de corruption, diminuer l'étendue de la corruption. Et aujourd'hui, malheureusement, la corruption est beaucoup trop étendue. Vous écoutez Radio Courtoisie. Elle est beaucoup trop étendue et d'ailleurs, c'était nécessaire à ce stade de demander à M. Trottignon et à M. Souillard, qui sont donc responsables de l'association Anticor de lutte contre la corruption, si à leurs yeux, à leur avis, à leur sentiment, la corruption augmente ou diminue en France depuis 20 ans. Ou bien, si vous ne savez pas, vous pouvez dire je ne sais pas. Hein, c'est... Oui, c'est-à-dire que maintenant les choses sont peut-être plus médiatisées, encore plus médiatisées. On creuse peut-être encore plus depuis effectivement... l'affaire des HLM de Paris, avec l'intervention de Jules Alphen, qui a osé convoquer le président de la République dans son bureau, qui n'est pas venu. Évidemment, il y a eu toute une stratégie d'évitement de la justice de la part de Jacques Chirac, qui a duré tellement longtemps que c'est uniquement en septembre qu'il va avoir à répondre d'une seule des affaires. Toute petite partie de ce qui lui a été reproché. Oui, tout à fait. Il y avait les HLM. Il a quand même été très largement évoqué, plus que cité, dans les affaires des HLM de Paris, les marchés truqués d'Île-de-France, la cassette mairie également. Alors là vous passez trop rapidement. Alors, attendez. L'affaire des HLM de Paris. Donc, il y avait cette fameuse cassette dont on a montré des extraits à la télévision il y a quelques années. Et mairie était donc considéré comme par le juge Alphen et par le tribunal, je crois, comme l'intermédiaire entre les entreprises qui versaient les pots de vin et le parti politique qui le recevait, en l'occurrence le RPR, devenu l'UMP. Et cette cassette a été enregistrée et a été diffusée post-mortem. Tout à fait, oui. Mairie était mort. Et alors, je vous signale que nous sommes en plein dans l'actualité, puisque... Monsieur Strauss-Kahn, qui est en prison aux États-Unis pour une affaire de corruption sexuelle, qui n'est pas de la corruption financière, il est présumé innocent, rappelons-le, a été mis en cause et finalement disculpé dans l'affaire de la cassette mairie parce qu'il était, paraît-il, détenteur d'un exemplaire de cette cassette, d'une copie de cette cassette, qu'il aurait dissimulé. Qu'on lui aurait remis la version officielle, oui, c'est qu'il l'aurait égaré ou oublié, voilà, sans la regarder. Et faute de preuves, on l'a exonéré de toute critique. Mairie était donc une société écran intermédiaire de conseil, je ne sais quoi, qui effectivement s'occupait de récupérer sur des marchés publics des sommes à reverser au RPR. C'est ce qui met beaucoup de... personnes ont été citées dans cette affaire qui... Il y en a... Beaucoup sont... On a l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses tout de même. C'est les seconds couteaux qui sont souvent condamnés et que ça ne va pas plus loin que ça. Quoi. À part le cas d'Alain Juppé, éventuellement, que vous avez rappelé tout à l'heure, qui effectivement, il est quand même extrêmement étonnant et scandaleux que quelqu'un qui a été condamné définitivement pour prise illégale d'intérêt puisse se retrouver numéro 2 du gouvernement. Voilà. Et je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie doivent comprendre l'étendue du scandale. Parce que le sujet, c'est le scandale de la corruption en France. Nous avons un homme qui s'appelle Alain Juppé. Bien. On peut dire qu'il a payé sa dette. Entre parenthèses, il n'a pas beaucoup payé parce qu'il a été condamné pour prise illégale d'intérêt, qui est une des formes de corruption. Bien. Excusez-moi, mais quand il y a une peine avec sursis, quand est-ce qu'on a payé sa dette ? Là, voilà, il a été condamné, il a été inéligible. La justice a fait preuve d'une extrême clémence, à mon avis. Hein. D'abord, le sursis est systématiquement appliqué à ces gens-là. On se demande pourquoi. Pour les élus, oui. Quand ce sont des centaines de millions de francs ou d'euros qui sont volés, hein, comme dans l'affaire des marchés publics des lycées de l'Île-de-France, je trouve que la prison ferme m'aurait paru assez logique. En tout cas, M. Alain Juppé est condamné définitivement. Définitivement, ça veut dire qu'il a été condamné en première instance, il a fait appel, en appel, il a eu une peine diminuée, devant la cour d'appel de Versailles, et je ne sais même pas s'il a fait de pourvoi en cassation, donc la peine est devenue définitive. Il est donc, on peut dire maintenant, il n'est plus présumé innocent, il est maintenant condamné et officiellement comme coupable. Bon, il est repris de justice. Dans un pays normalement constitué, en démocratie, il aurait dû quitter définitivement la vie publique. Définitivement. Bon. Non seulement il n'a pas quitté, mais il a été réélu maire de Bordeaux. Il a été investi par l'UMP comme M. Carignan pour les législatives. Il a d'ailleurs été battu en 2007. Ou dans une partielle, je crois. Dans une partielle. Il a été battu dans une partielle ultérieurement. Pas en 2007. Pas à la mairie de Bordeaux, oui. Pas en 2007. Donc, oui. Et il a été nommé ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que la France est représentée dans le monde par un repris de justice. Alors, il y a pire que lui, je ne dis pas que c'est le pire. Dont le président Chirac disait, c'est le meilleur d'entre nous, en plus. Oui, mais je voulais revenir à votre question initiale, monsieur Delesquin, tout à l'heure. Delesquin, pardon. Décidément, j'ai du mal avec... Mavrakis, Trottignon, Marie-Françoise, Delesquin. Vous posez la question, est-ce que la corruption avance ou recule en France ? Moi, je répondrai que, compte tenu des moyens médiatiques, maintenant, elle se voit de plus en plus. Mais à mon avis, elle augmente. Elle augmente très fortement. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques, maintenant, ont fait de la politique un métier. Alors qu'avant, c'était une vocation, c'était un peu des gens qui se dévouaient à la cause publique. Alors que maintenant, vous avez des gens qui rentrent en politique, comme ils rentraient chez LVMH ou chez Saint-Gobain. C'est la même chose, avec d'autres moyens, bien entendu. Bon. Et puis alors, deuxièmement, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas, c'est que la corruption, par définition, se voit très peu. Nous avions dans le grand groupe dont je vous parlais tout à l'heure, une maxime qui disait que la corruption, c'est un peu comme les icebergs. On en voit le 16e qui dépasse, mais on ne voit pas les 15-16e qui sont... Alors, excusez-moi, je crois que cette référence à l'iceberg est justifiée, mais qu'elle n'est pas mathématiquement exacte. La part immergée de la corruption est relativement beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'ils se font prendre une fois sur 100. C'est pour ça qu'elle continue à prospérer. Parce que l'homme politique... Qu'est-ce qu'il risque ? Pas grand-chose. S'il est malhonnête et qu'il se met de l'argent dans la poche, eh ben, il est content. Il se met de l'argent dans la poche. Et puis, s'il se met de l'argent... Une fois sur 100, vous êtes sévère. S'il met de l'argent dans la poche de son parti, eh bien, c'est bien aussi pour son parti, parce que ça lui permet de se faire élire. Et s'il est pris, il est condamné, certes, et encore, pas toujours, et condamné des années après. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas ennuyeux, j'ai pu avoir une vision à peu près claire de la corruption des grands élus en France. Quand, dans les années 95, il y a eu un énorme scandale, il y a un petit juge de La Réunion qui était venu au siège social de la société dont je vous parle. Il voulait mettre en examen rien moins que moi que le président, le PDG, qui était un homme très puissant, on l'appelait Louis XIV, donc il était vraiment puissant. Alors ce juge, évidemment, très rapidement a été déchargé de sa mission, mais il avait quand même eu le temps de ramasser dans le bureau du directeur commercial, que tout le monde connaît, un gros cahier dans lequel la société en question et toutes ses filiales, il y en avait 1500 à l'époque, ce directeur commercial rassemblait toutes les aides, on appelait ça aides, qu'on apportait aux élus. Bon, en bon français, ça s'appelle un pot de vin, voilà. Oui, peut-être, mais dans une compagnie qui vend de l'eau, c'est un terme qu'on n'a pas beaucoup. Voilà. Écoutez, ne soyez pas trop précis, parce que là nous faisons la fin de la diffamation. Hein. Non, mais attendez, ça remonte à 95, et les faits sont avérés. Je peux vous sortir les pièces. Bon, écoutez... voilà. Alors, comment dirais-je, j'ai eu la chance d'avoir une copie de ce cahier que m'a donné, il ne me l'a pas donné, que m'a communiqué pour lecture un des cadres importants du groupe. Et je peux vous dire que j'ai été effaré du nombre d'élus, en définitive, auxquels telle ou telle filiale versait de l'argent. Et donc, c'est de là que vient le 16e, si vous voulez. C'est que, en fait, sur les... Vous êtes trop optimiste. C'est 1%. Il y a grosso modo 900 parlementaires. Il y en avait... il y en avait à peu près 1 sur 15 dont il était notoirement connu qu'ils étaient corrompus. Et le reste, on ne savait pas trop. Voilà. C'est pour ça que je parle des 15-16e de la partie immergée. De toute façon, nous ne pouvons pas le savoir. Par définition, le chiffre noir de la criminalité est inconnu. Donc, il y a des statistiques qui disent quand même que sur le plan mondial, la corruption représente 3% du PIB. C'est impossible d'établir des statistiques pareilles. Marie-Françoise. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit en première partie d'émission pour parler de l'enjeu des élections sénatoriales du 25 septembre 2011 et du scandale de la corruption en France, Kostas Mavrakis, philosophe, Hubert Souillard, candidat aux élections sénatoriales, et Jean-Luc Trottignon, vice-président d'Anticor, conseiller municipal de Rambouillet. Alors candidat, et nous l'avons appris de M. Souillard, candidat et candide, c'est-à-dire vêtu de probité des candides et de lin blanc. C'est ça. Tout à fait. Aussi, si je bien. Peux me permettre de revenir... Il faut... Attendez, non, parce que nous allons demander à Marie-Françoise de lire les questions. Pardon. Un auditeur, comment l'UMP pourrait éventuellement justifier le fait qu'elle propose de payer une grande partie de la dette de Chirac... Alors excusez-moi, notez bien les questions au fur et à mesure, parce que nous allons les lire toutes à la file. Et à la fin, toutes à la file, et à la fin, donc, nous répondrons, tant que nous le pourrons, compte tenu du temps que nous avons, certaines d'entre elles au moins. Donc je vais la répéter. Oui. Comment l'UMP pourrait éventuellement justifier le fait qu'elle propose de payer une grande partie de la dette de Chirac à la mairie de Paris? Comment faire passer, entre guillemets, cette affaire? Quelle réponse perverse peut-on proposer? Un auditeur, comment expliquez-vous que, sauf erreur, le juge Alphen soutenait Jacques Chirac après le 21 avril 2002? C'est un fidèle auditeur. Un auditeur, il faut dire que tant qu'on ne prendra pas au sérieux les conclusions de la Cour des comptes, rien ne sera efficace. Il faut s'inspirer de l'étranger où les protestations, les constats sont pris en compte. Tout le reste n'est que bavardage tant qu'on ne prendra pas de sanctions. Un auditeur, dans nos démocraties actuelles, il est inutile de lutter contre la corruption qui d'ailleurs n'existe plus et est interdite car elle est remplacée par la très légale cooptation des élites. Il reste à accuser de corruption les dictateurs africains. Un auditeur rapporte les propos entendus lors d'une élection, à savoir « un tel n'est pas très honnête, mais c'est un malin. Il défendra donc bien nos intérêts. » Les deux femmes qui tenaient ces propos reflétaient bien la mentalité française d'aujourd'hui qui ont pris leur distance avec la morale. C'est du Berlusconi. Un auditeur cite une citation de Charles de Gaulle. Faites une citation. « Un homme politique ne doit pas être innocent, il doit être insoupçonnable. » Encore mieux. Un auditeur, le film « Mort d'un pourri » de 1977, dialogué avec Michel Audiard, interprété par Alain Delon, contient des propos très éloquents sur une réalité qui perdure depuis cette époque et semble avoir un bel avenir devant elle. Un auditeur, la mère de toutes les corruptions, ça c'est une question pour Kostas Mavrakis particulièrement, la mère de toutes les corruptions financières, politiques, etc., c'est la corruption philosophique et morale. C'est la leçon des affaires épouvantables qui salissent quotidiennement l'actualité. Notre peuple est esclave d'une situation politique dont les chaînes sont si lourdes, si serrées, qu'il est incapable de se révolter, qu'il est incapable de vouloir le changement de régime qui devrait normalement résulter, par exemple, de cette épouvantable histoire de la Nouvelle-York, de New York, en français de Nouvelle-York, d'accord, hein, à laquelle tout le monde pense. Les profonds sentiments de colère et de révolte qu'on ressent peuvent cependant aider à une remise en cause philosophique et morale. Premier pas vers un rétablissement de notre situation actuellement pathétique. Contre la décadence et la déchéance morale, il faut lutter pour la discipline et la décence dans la famille et dans l'État, contre l'absence de principes et la trahison politique, pour le dévouement au peuple et à l'État, contre la surestimation des instincts sexuels, destructrices de la vie spirituelle, pour la noblesse de l'âme humaine, contre les médias démagogiques et soumis au pouvoir de l'argent, ce n'est pas le cas de Radio Courtoisie, je vous rassure, que justement nous sommes financés par les auditeurs et pas par la publicité. Je reprends. Contre les médias démagogiques et soumis au pouvoir de l'argent ennemi de notre peuple, il faut lutter pour une coopération vers le redressement de notre nation. Un auditeur qui visiblement est royaliste. Décidément, je deviens de moins en moins républicain. D'après moi, le régime républicain, il ne nous a pas dit le régime républicain comme font certains royalistes, le régime républicain a les défauts suivants. Les élus sont menteurs, escrocs, manipulateurs, ne tiennent pas leurs promesses, sont irresponsables. Dès qu'un problème difficile se présente, ils se défilent. Et on va chercher une vieille culotte de peau pour régler le problème. Tandis que le roi est responsable de son règne, cherche à améliorer la vie des personnes de son royaume et à sauver, et à le sauver et à le protéger. Il a le souci de protéger. Vive le roi, dit cet auditeur. Tandis qu'en République, ça ne lui a pas suffi d'avoir dit vive le roi, il ajoute. Tandis qu'en République, dès qu'ils sont élus, ils ne pensent plus qu'à eux et non pas à leur pays. Un auditeur nous rappelle la bonne formule à propos de Robespierre qui se voulait pur. Un pur trouvera toujours un plus pur qu'il est pur. J'espère que ça ne s'applique pas à l'association Anticorps. Un auditeur, n'est-ce pas la faute des électeurs s'il en est gouverné par des repris de justice? Alors ça, je pense que c'est assez intéressant comme question. Toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là, est-ce que c'est la faute des électeurs? C'est la prime à la casserole, effectivement. Il faut effectivement parler, puisque à Bordeaux, Alain Juppé avait été soutenu et investi par l'UMP, où Patrick Balkany, pas aux premières élections, mais à la seconde, a été investi aussi par l'UMP, Carignan, etc. C'est la prime à la casserole, qui est-ce qui tient le manche? La plupart du temps, c'est quand même les instances des partis politiques de gouvernement qui investissent, qui font qu'un électeur qui souhaite voter une UMP n'a pas d'autre choix à son élection que de voter. Il peut toujours s'abstenir. Oui, il peut s'abstenir, mais s'il veut absolument... Il peut voter Front National, il peut voter communiste, il peut voter... Oui, mais au deuxième tour, déjà, le choix est limité, par exemple. Et s'il veut absolument éliminer un type de programme et voter pour son... Enfin, souvent, les candidats sont investis par... ils sont responsables, je veux dire, les partis politiques. De la prime à la casserole, ils sont co-responsables. Qu'est-ce que vous appelez la prime à la casserole? Ce qu'on appelle la prime à la casserole, c'est justement les élus qui ont des casseroles, qui ont été condamnés, qui se représentent. Oui, mais il n'y a pas de prime. Ça, je crois que c'est une erreur. Il n'y a pas de prime. Ils ne tirent pas d'avantage de leur casserole. Non, mais on constate. Ça se discute. Ça les crédibilise. Pardon ? Ça les crédibilise. Ce sont des grands gangsters. C'est comme dans les mêmes films. Alors, les grands bandits, là vous n'écoutez pas. Et pour monter dans l'hierarchie, il faut faire des preuves. Monsieur Souillard, vous êtes mis à l'amende. Vous avez dit gangster. En français, on dit bandit. Absolument. Je préfère racaille dans ce cas. Ah, d'accord. Alors, écoutez, cette question pratique. Est-ce que les électeurs sont vraiment tout à fait indifférents aux questions de corruption ? Je ne le crois pas. Et je crois que si M. Juppé a été élu si facilement et réélu si facilement, bon, d'abord c'est qu'il avait le prestige de l'ancien Premier ministre, mais ensuite c'est que la campagne électorale n'a pas porté sur la condamnation. Moi je me rappelle très bien, on m'avait envoyé, lorsqu'il a été candidat au municipal, M. Juppé, on m'a envoyé la littérature de ses concurrents. Le candidat du Front National n'a pas fait campagne sur la question de la corruption. Il aurait dû axer toute sa campagne sur ce thème. Moi, si j'avais été candidat concurrent dans la Juppé... Non, mais attendez, quand on n'a pas forcément beaucoup d'accès aux médias, on a intérêt à axer sa campagne sur un thème principal. Ça dépend du contexte politique. S'il avait fait campagne sur ce thème, il aurait, je ne dis pas qu'il aurait pu empêcher M. Juppé d'être élu, mais en tout cas, il aurait sans doute créé des difficultés à M. Juppé. M. Carignan, s'il n'y avait pas eu la corruption, il aurait été élu aux législatives de 2007. M. Alain Carignan est un homme politique hors pair en tant que politicien. Il connaît parfaitement la politique, il a beaucoup de charisme, il est très habile, etc. Il était appuyé par l'UMP, et c'était en 2007. Donc c'était relativement porteur d'être élu UMP en 2007. Ça serait moins en 2012. Et peut-être sénatorien en 2011, je ne sais pas. Mais il a été battu alors uniquement à cause de la corruption, parce que ses concurrents ont fait campagne sur ce thème, et c'est ça qu'il a démoli. Autrement dit, ceux qui disent « oui, mais les anciens corrompus sont réélus sans difficulté, ils exagèrent, ils simplifient. Tout dépend de la manière dont la campagne électorale s'est passée. Souvent, les concurrents n'osent pas, et souvent ils n'osent pas parce que c'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », c'est la connivence dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Bon, souvent ils n'osent pas parler de ce sujet, alors si on n'en parle pas évidemment, bon, les gens ne croient même pas que c'est vrai. Bon, voilà. Quand ils sont réélus, parfois, et que la campagne a porté sur le sujet, ils perdent beaucoup de plumes. Je me rappelle comment ça s'appelait, c'était M. Mélic, je crois, qui avait été condamné pour corruption. Eh bien, il a été réélu, mais il a perdu 30%, et la fois d'après, il a perdu sa place au profit d'un autre socialiste. Enfin, lui, il était ex-socialiste. Donc, non, ne croyez pas que les électeurs soient indifférents, simplement, il faut qu'on utilise le thème. Et effectivement, comme disait M. Souillard tout à l'heure, en face, on vous lance l'arme de la diffamation. Je vais vous donner un bon exemple, puisque nous parlions des Yvelines et que vous êtes élu dans les Yvelines. L'exemple de M. Bertrand de Visser, je l'évoque pour mémoire, parce que là, cet homme est mort politiquement depuis les cantonales où il a été battu au second tour. Mais il a été battu au second tour grâce à votre serviteur. C'est moi qui ai causé l'échec de M. Bertrand de Visser. M. Bertrand de Visser n'a jamais été condamné pour corruption, il n'a même pas été poursuivi pour corruption. Bon. Mais en 2001, Le Monde a publié le rapport des juges d'instruction sur la grande opération de trafic d'influence des marchés publics de la ville de Paris. Des marchés publics des lycées de la région Île-de-France. Estimé à l'époque à 600 millions de francs de pots de vin. Oui, c'était la région, ça. Oui, c'était la région Île-de-France. Président M. Giraud. Président M. Giraud. De l'Essonne. Et ce qui est amusant, alors pour l'anecdote, ce qui est amusant, parce que ça met en cause M. Chirac, c'est que les juges d'instruction, qui étaient des gens éminents, comme notamment Van Ruynbeek, il y en avait trois, ont rendu une ordonnance d'incompétence à propos de Jacques Chirac, en disant nous ne sommes pas compétents pour convoquer Jacques Chirac parce qu'il est président de la République. Non, il voulait dire que c'était Chirac qui était incompétent. Non, mais d'accord, sur le plan juridique, il voulait dire notre enquête, notre instruction nous conduit à penser peut-être qu'il y a des soupçons de financement du RPR présidé par, ou de l'UMP, non, le RPR à l'époque, présidé par Jacques Chirac. Nous devrions entendre Jacques Chirac, mais nous sommes incompétents pour le faire. Et ils ont expliqué tout le système, et Le Monde, le journal Le Monde, en 2001, a publié intégralement cette ordonnance, qui, dans le texte original, faisait 30 pages. Bon. Et, alors, cette ordonnance raconte ce qui s'est passé, donc... L'accord passé entre le RPR, qui dirigeait à l'époque la région Île-de-France, les socialistes, les communistes. Donc ça montre la connivence pour se partager la manne des pots de vin des entreprises de travaux publics. Et le PR aussi. Et il y a le PR, bon. Et le CDS, qui était le parti centriste de l'époque, avait été oublié dans la distribution. Bon. Et il a réclamé. Il a dit, pourquoi pas moi ? Et alors on lui a donné un petit peu, quelques miettes. Et il y a dans cet article de 30 pages, c'était 6 pages dans Le Monde, 30 pages à 4, un paragraphe sur lequel je suis tombé en arrêt qui disait, voilà, Monsieur Intel a apporté une mallette contenant 350 000 francs. C'est pas mal, hein. Ah non, c'était une petite mallette. D'argent sale, par rapport aux 600 millions, c'était peu de choses. C'est une grosse enveloppe. 350 000 francs d'argent sale qu'il a remis à Monsieur Bertrand Devis, trésorier du CDS. Bon. Alors, Monsieur Devis n'a pas été poursuivi, donc il est plus que présumé innocent. Il n'a jamais été inquiété par la justice dans cette affaire. Son nom a été simplement cité. Mais les faits sont établis. Donc, quand j'ai découvert ça, au conseil municipal de Versailles... À chaque fois que M. Bertrand Devis prenait la parole, enfin, pas à chaque fois, parce qu'il ne faut quand même pas lasser son auditoire, mais parfois, lorsqu'il avait une délibération particulièrement cafouilleuse, je lui disais, écoutez, M. Bertrand Devis, vous êtes plus habile pour compter les billets de banque usagés dans une mallette que pour gérer les finances de la ville de Versailles. Ça ne lui plaisait pas du tout. Bon. Alors, je répète qu'il est, encore une fois, innocent, puisqu'il n'a jamais été poursuivi. Ce qui est sûr, en revanche, le fait est établi, c'est qu'il a reçu de l'argent sale. Voilà. Mais ça n'a pas été considéré par la justice comme suffisamment probant pour que des poursuites soient engagées. Mais le fait est établi qu'il a reçu une mallette. Bon, alors, je suis contenté de dire, alors, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, il faut être insoupçonnable. Et mon argument n'est pas de dire que M. Bertrand Devis, à l'époque adjoint aux finances de la ville de Versailles, conseiller général qui était vice-président, donc adjoint de M. Bédier au conseil général, c'est un petit monde qui se tient. Je n'ai pas dit qu'il était coupable, puisqu'il ne l'est pas juridiquement. Il n'a même pas été poursuivi. J'ai dit simplement, les hommes politiques, comme la femme de César, ne doivent pas être soupçonnés. Bon, quelqu'un dont il est établi qu'il a reçu une mallette d'argent sale doit quitter la vie publique. Point barre. Il doit faire un autre métier. Bon. Oui. Et donc, M. Devis, à cause de mon action, a perdu les élections municipales de Versailles en 2008. Il a été éliminé alors qu'il était désigné par M. Pinte, le maire sortant, comme tête de liste UMP, battu par M. de Mazière, et par moi aussi, puisque je suis au conseil municipal, et aux élections cantonales qui ont suivi, en mars dernier, j'ai ressorti opportunément la question en disant « la mallette de M. Devis va entrer à la postérité ». Parce que le sujet peut vous intéresser, ça c'est très technique, c'est que il a dit « ah oui, mais on n'a pas le droit de citer le fait, parce que la loi sur la presse interdit de citer des faits qui ont plus de 10 ans d'âge. » Et c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'on attaque quelqu'un en diffamation, en disant « Monsieur Intel a dit que je suis voleur », la personne qui se défend, qui est accusée de diffamation, peut établir ce qu'on appelle en latin l'exceptio veritatis, l'exception de vérité. Il dit « Écoutez, moi j'ai dit que Monsieur Intel était voleur, mais voilà la preuve. » Bon. Moi, j'ai dit que M. Bertrand Davis, non pas qu'il était voleur, je n'ai pas dit ça, mais qu'il avait reçu une mallette remplie d'argent sale. Bon, et voilà la preuve, l'ordonnance du juge d'instruction. L'authenticité n'est pas contestée. Bien. Et... Oui, mais tant que ça n'a pas été jugé, il n'est pas coupable. C'est la France. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable, bien entendu. Il n'est pas coupable, mais il a reçu une mallette. Je ne dis que ça. Bon. Il reçoit des mallettes, c'est peut-être pas alors, la question n'est pas là. Le fait ayant plus de 10 ans d'âge, on n'avait pas le droit de le citer, disait la loi. Mais ça a été contesté par la Cour européenne des droits de l'homme. Et je viens de voir que récemment, ce point est important, et notamment pour l'association Anticorps que vous représentez, M. Trottignon, M. Souillard, que là, dans une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de dire que non, on pouvait continuer à citer bien que cette entendu. Disposition légale n'était pas acceptable et qu'elle n'était pas constitutionnelle. C'est pour ça que je vous ai porté le 14 tout à l'heure. Et donc, en tout cas, monsieur Bertrand Davis, candidat sortant à Versailles, a été battu par un divers droite de justesse, après que je lui rappelais aux électeurs de Versailles qu'il avait reçu une mallette remplie d'argent sale, et après que je lui ai appelé à voter pour le candidat divers droite pour qu'il fût battu. Et maintenant, il n'est plus rien, il n'est plus conseiller municipal, il n'est plus adjoint au maire, il n'est plus conseiller général. Et je pense que c'est un bon débarras pour la vie politique versaillaise et pour la vie politique française. Voilà, un exemple. Ce que nos contradicteurs nous avancent dans ces cas-là, c'est... Monsieur Trottignon. C'est que les gens qui ont été condamnés ont droit à une deuxième chance comme tout le monde. Mais attendez, dans la vie civile, dans la vie privée, ils ont leur deuxième chance comme ils veulent. Mais s'ils ont démontré que quand les électeurs leur faisaient confiance pour gérer l'argent public... et qu'il y a une rupture du pacte républicain, on ne peut plus leur faire confiance, ils ont failli, là, ils n'ont plus droit, pour nous, de gérer à nouveau les affaires publiques. Ils ont montré qu'ils n'en étaient pas dignes, pas capables. Donc ça, c'est un premier point. Sur les questions de vos auditeurs, je crois que c'était la première, parler de les problèmes du fait que l'UMP ait réglé la dette de Jacques Chirac auprès de la mairie de Paris. Alors effectivement, ça c'est un point qui nous intéresse particulièrement, puisque donc moi je suis en charge pour Anticorps de la requête contre la délibération Chirac de la Noé, qui passe l'audience au tribunal administratif de Paris le 8 juin après-midi. Et c'est un des deux arguments sur lesquels on s'appuie pour dire que cette délibération est illégale. C'est le fait que l'UMP a réglé les trois quarts des 2,2 millions d'euros, Jacques Chirac un quart. Avec du financement public, avec des fonds publics et avec les cotisations de ses adhérents. Donc, dans les statuts de l'UMP, il n'est pas inscrit que les cotisations des adhérents ou les fonds publics doivent servir d'assurance juridique pour pallier les dérives de gestion. Monsieur Trottignon, il faut rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que dans cette affaire, ce qui est reproché à Jacques Chirac, c'est d'avoir fait travailler au RPR ou à l'UMP, ensuite, au RPR à l'époque, dans son parti, des gens qui étaient payés par la ville de Paris ou payés par des entreprises. Bon. Et c'est d'ailleurs pour les mêmes raisons, ça a été considéré comme une prise illégale d'intérêt, mais ça pourrait être considéré aussi comme un détournement de fonds publics, que M. Juppé a été condamné. Le RPR marchait avec des gens qui étaient payés comme agents de la ville de Paris, alors qu'ils ne travaillaient absolument pas pour la ville de Paris. C'est pas que ça. Il y a le dossier effectivement de Nanterre où Juppé a été condamné, qui a été rattaché au dossier des 23 emplois fictifs de la ville de Paris, où là, c'était plus la gestion, l'enrichissement du réseau de Jacques Chirac qui a lui permettre de mettre le pied sur la première marche qui l'amenait à la présidentielle, si vous voulez. C'était l'entretien de son réseau. Et il y avait 7-8 emplois fictifs au RPR, directement. Effectivement, c'est le dossier. Un emploi fictif, c'est-à-dire quelqu'un a été recruté par la ville de Paris, payé par la ville de Paris, donc aux frais du contribuable parisien, alors qu'en fait, il travaillait à la gloire de Chirac, mais pas du tout pour la ville de Paris. Voilà, ou pour le RPR. Donc ça peut être considéré comme un détournement de fonds publics, puisque ça revient à puiser de l'argent dans la caisse. De fonds publics et de fonds privés. Moi qui suis militant UMP, j'apprécie pas du tout qu'une partie de mes cotisations parte à la ville de Paris pour dédouaner un certain Chirac. J'aime pas du tout, j'apprécie pas. J'ai écrit d'ailleurs en ce sens-là à la présidente UMP des Yvelines, Madame la ministre, là, dont j'ai oublié. Mais vous êtes vraiment candide, hein. Vous êtes candidat, mais aussi oui, candide. Hein. Elle m'a pas répondu, cette dame. C'est quand même curieux. Là, c'est bizarre. Super en France. Bizarre. Madame Pécresse. Alors, je voudrais dire un mot de l'affaire Bédier, peut-être. Ah, allez-y, parce que c'est une superbe affaire. Alors, l'affaire Bédier, c'est extrêmement Pierre Bédier, ne parlons de Pierre Bédier. L'affaire Bédier, c'est extrêmement simple. Ça me rappelle d'ailleurs une plaisanterie de Santini, qui est familier des plaisanteries, et qui parlait, lui, de l'affaire Tapie, en disant « L'affaire Tapie, c'est très simple. » Il était dans un salon très Louis XV de l'Assemblée nationale. Vous avez le tapis au milieu, expliqué puis à ses interlocuteurs. Vous soulevez le tapis, dessous, vous avez le parquet, et puis, alors, tout autour, vous avez les plaintes. L'affaire Bédier, c'est un peu l'affaire Tapie. C'est la même chose. Il y a le parquet et puis il y a les plaintes. Alors, les plaintes, elles sont parties. En fait, il y a eu deux affaires Bédier. Il y a une première qui a été étouffée dans l'œuf. C'est l'affaire de Loupivioa, parce qu'il y a eu un non-lieu qui a été rendu. Monsieur Bédier était à l'époque président de Loupivioa, qui est le grand office HLM du département des Yvelines, 40 000 appartements. Bon, on a cru comprendre que Monsieur Bédier était très intéressé par certains contrats d'entretien, notamment d'ascenseurs. Mais il a eu un non-lieu, donc non-lieu, attention, il est innocent. C'est ce que je viens de dire, le 30 avril 2002. Bon, il a eu un non-lieu. Voilà. Hein, alors maintenant, j'en viens à l'affaire. On ne peut rien dire contre lui sur ce sujet. Bédier Delfaux. Alors, Bédier connaissait très très bien un certain Michel Delfaux, qui est décédé d'ailleurs en 2005, qui était spécialisé dans les sociétés de nettoyage industriel et de gardiennage. Ils avaient d'ailleurs créé une société en commun qui s'appelait DB2A, comme Delfaux, Bédier, Ancelet, associé. Ancelet étant le troisième. Et cette société était domiciliée à Paris. Bon, donc c'était des gens qui étaient très très très très copains. Et en définitive, eh bien, disons les choses simplement pour faire court, Monsieur Bédier a arrosé généreusement Monsieur Delfaux a arrosé généreusement Monsieur Bédier, Monsieur Mas de Harus, maire de Poissy, et son premier adjoint Monsieur Forêt, pour obtenir les contrats de nettoyage des locaux de la municipalité. Il faut rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que Monsieur Pierre Bédier était président du conseil général des Yvelines, oui, jusqu'à sa condamnation définitive, après avoir été, je crois, maire de Poissy et avoir laissé la place... Non, maire de Mantes-la-Jolie. Maire de Mantes-la-Jolie, pardon, maire de Mantes-la-Jolie, avoir laissé la place à quelqu'un. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'ex-madame Delfaux, qui avait été une épouse congédiée, je dirais, était un peu jalouse et remontée contre son mari, on la comprend, et est allée voir le procureur en disant, vous savez, mon mari, il a drôle d'habitude, il se sert des cartes de crédit de la société pour sortir de l'argent, il a sorti 200 000 euros, et puis il donne cet argent-là dans des enveloppes Kraft à trois élus dont les noms sont Bédier, Mas de Harus et Forêt. Donc, Pierre Bédier, Jacques Mas de Harus et Gilles Forêt, qui sont aujourd'hui condamnés tous pour corruption de manière définitive. Le procureur a enquêté, et puis effectivement, la brigade financière de Versailles a trouvé que c'était vrai. Donc, M. Bédier a été jugé. Il a été condamné une première fois à... je recherche les chiffres très précisément. Première instance, au mois de décembre 2006. Non, mais attendez. Oui, mais là vous épargnez aux auditeurs de Radio Courtoisie un élément anecdotique qui est en fait très intéressant, qui est de savoir pourquoi il a été coincé. Parce qu'en fait... Donc, ils ont été condamnés tous les trois pour trafic d'influence parce qu'ils recevaient des... Vous avez promis de faire court, c'est pour ça non, que... Non, mais là il faut, parce qu'il faut vraiment expliquer tellement c'est croquignolé. Parce qu'en fait, Pierre Bédier était très prudent et n'aurait jamais dû se faire coincer. Les deux autres ont été imprudents, c'est-à-dire que Mas de Harus s'est fait payer un riad à Marrakech, enfin... Non, c'est Forêt. Forêt, un riad à Marrakech, moins luxueux que le palais de M. Strauss-Kahn, mais enfin quand même. Ouais. Je crois que Mas de Harus s'est fait payer des heures de femmes de ménage. Ouais. C'est des choses visibles. Les femmes de ménage, c'est utile parfois. Monsieur Bédier ne s'est jamais fait remettre que des enveloppes en espèces. Et comment a-t-il été coincé? Franchement, il n'a pas eu de chance. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Monsieur Delfaux, le chef d'entreprise en question, avait une femme légitime, une épouse légitime. Mais il avait aussi une maîtresse, enfin une ou plusieurs maîtresses, notamment une maîtresse. Et alors, il était très... Vraiment très désinvolte, puisqu'il faisait venir sa maîtresse chez lui, à la maison. Alors, l'épouse légitime trouvait ça quand même vraiment... Oui, c'est ce que je disais. Désagréable. Un peu hérissée, quoi. Et en fait... On s'irrite pour ce genre de choses. C'est parce qu'elle était bafouée qu'elle a dénoncé les faits. Oui. C'est elle qui a dénoncé les faits à la justice, pour se venger. Mais la maîtresse a parlé ensuite. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu trois témoignages, en fait. De la maîtresse, de la femme et du comptable. Et notamment, il disait, mais Monsieur Bédier, Pierre Bédier, donc, va aller au Ritz avec Monsieur Delfaux. Et entre la poire et le fromage, Monsieur Delfaux, lui, remettait une enveloppe. Voilà, une enveloppe dans une chemise, voilà, comme ça. Bon, sous la serviette. Sous la serviette, et il remettait ça là, au Ritz. Ouais. Paraît-il, la cuisine n'est pas mauvaise. Et alors, ce témoignage, on a retrouvé évidemment que M. Delfaux avait réservé 3 places pour lui, pour M. Bédier, pour sa maîtresse ou pour sa femme, selon le cas, et aux dates indiquées par les témoignages de la maîtresse ou de la femme. Le comptable a dit « Ah oui, mais le jour même, moi je me rappelle, j'ai noté, Monsieur Bédier m'a dit, non, Monsieur Delfaux, le patron, m'a dit « Donnez-moi 10 000 euros, c'est pour donner à Bédier. » Voilà. Et retrouver le retrait comptable en espèces dans les comptes de la société. Alors tout cela faisait quand même beaucoup de témoignages en défaveur de Monsieur Bédier. Et puis autre chose, alors là, il y a commis une petite erreur, c'est qu'il ne retirait plus d'espèces sur son compte à partir de ce moment-là. Sur son compte en banque, il n'y avait plus jamais de retrait d'espèces. Et puis moins de dépenses habituelles. Donc les présomptions étaient telles que la justice, à toutes les étapes, n'a pas eu de doute et l'a condamné. Monsieur Mais cher Soulia. Monsieur, moi je vais en venir aux conséquences politiques, parce que c'est ça le plus grave. Attendez, il faut raconter quand même les étapes successives. Monsieur Bédier a été élu président du Conseil général des Yvelines en septembre 2005, alors qu'il sortait de son procès. Il a été condamné en première instance en décembre 2006. Il a été réélu. Il a été réélu président du Conseil général des Yvelines, qui n'est pas rien quand même, c'est un gros département. Il a été réélu par le Conseil général alors qu'il avait été condamné à 6 ans d'inéligibilité. En première instance. Voilà. En appel, il a été condamné le 16 mai 2008. Il a fallu que ce soit la préfète, Mme Anne Bocquet, qui le démette de son poste parce que le Lascar. Non, attendez, ne vous allez trop vite. Après le pourvoi en cassation, il a été. Oui, le scandale politique, c'est que, alors que M. Bédier était. Non seulement mis en examen, mais il a été condamné en première instance par le tribunal de grande instance de Paris, condamné par la cour d'appel, et à chaque fois, les élus ont continué à lui manifester la confiance, et d'ailleurs, dans les Nouvelles de Versailles, qui est quand même un journal assez particulier, ont continué à vouloir faire croire qu'il est innocent, alors qu'il est condamné de manière définitive. Il y a environ 6 mois, il y a une tentative de sa part pour remettre le procès en question. Hallucinant. Et à chaque fois, au lieu de lui demander de démissionner, ce qui aurait été le minimum de la décence, toute la classe politique du Conseil général, tous les conseillers généraux, l'ont réélu. Et c'est ça le scandale absolu. Ça montre à quel point ces gens-là sont corrompus. C'est insupportable. C'est insupportable qu'on puisse élire et réélire comme président du Conseil général quelqu'un qui est condamné sous prétexte que, ah oui, mais il a le droit à la présomption d'innocence jusqu'à la condamnation définitive. Ça met des années. Et effectivement, il a fallu qu'il fût condamné définitivement après rejet du pourvoi par la Cour de cassation, pour qu'il fût obligé de démissionner. Et encore, c'est la préfète qui l'a viré. C'est le préfet des Yvelines, une femme qui l'a viré, oui, parce que lui-même ne démissionnait pas. Femme en marque. Il s'est accroché. Et donc, le scandale est là. Ça n'est pas encore une fois qu'il y ait une brebis galeuse. Ce n'est pas qu'il y ait une brebis galeuse, comme M. Pierre Bédier. C'est que cet homme soit resté président du Conseil général des Yvelines si longtemps, qu'il était, en fait, il est toujours, semble-t-il, le grand Manitou du RPR et de l'UMP. Ah ben, il est au fourneau, dans le département des Yvelines. Il prépare les plats. Le tireur de ficelle. Bien qu'il, c'est ça qui est insupportable. Monsieur Trintignant. Oui, je voulais simplement dire qu'après sa condamnation définitive en cassation et le fait qu'il ait été démis, il a quand même été, quelques mois plus tard, engagé comme chargé de mission à la mairie de Mantes-la-Jolie par le maire, où il avait sa place. Et alors que la loi dit qu'on ne peut engager à ces postes-là que des gens dont le casier judiciaire est vierge ou presque. Enfin, je ne sais plus quelle est la forme. Mais des gens qui ne sont pas privés de leurs droits civiques. Voilà. Pour être engagé, chargé de mission dans le service public, dans une mairie, il ne faut pas être privé de ses droits civiques, c'est interdit. Il a quand même été réengagé, et c'est l'opposition de gauche, avec un membre d'Anticor d'ailleurs, qui a agi rapidement au tribunal administratif. Et Pierre Bédier a préféré démissionner en se faisant passer pour une victime, de même qu'il avait aussi un chargé de mission à l'université de Saint-Quentin. Eh bien, nous allons quitter Monsieur Pierre Bédier, nous allons écouter une communication très importante, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Dimanche 19 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 19 juin, de 14h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 19 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, rue Jean Oestreicher, Paris 17e, métro Porte de Champéret. Entrée 9 euros. Gratuit pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Eh bien oui, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous savez que notre radio est une radio nationale, non seulement parce qu'elle est diffusée en modulation de fréquence dans l'Ouest, mais aussi parce qu'elle est diffusée partout en France par le satellite, CanalSat ou TNTSat, et partout dans le monde par Internet. Mais les studios sont à Paris, nous sommes là avec M. Trottignon, M. Souillard, M. Mavrakis, et Marie-Françoise, et Claudio, à Paris, 61 boulevard Murat. Et nos fêtes annuelles, nous les faisons à Paris. Et nous les faisons, comme l'année dernière, nous faisons notre grande fête annuelle, notre grande fête de famille, à l'espace Champéret. Alors, franchement, si vous pouvez, ne ratez pas cette occasion de vous retrouver avec les gens qui font Radio Courtoisie. Avec Marie-Françoise. Oui. Avec moi. Peut-être Claudio, s'il peut venir. Je ne suis pas sûr que Claudio sera là, mais je vais insister auprès de lui pour qu'il fasse un tour, pour qu'on puisse le voir. Et puis, peut-être que M. Mavrakis voudra venir, M. Trottignon et M. Souillard. Et donc, cette fête, c'est bien sûr aussi un salon du livre, mais c'est beaucoup plus que cela. Alors, évidemment, les auteurs de livres, les grands auteurs de grands livres que nous recevons dans nos émissions viendront. Seront nombreux à venir dans notre fête, mais le but est que toutes les composantes de la radio soient représentées. Et d'abord les auditeurs, bien sûr, les auditeurs qui ont l'occasion de voir les gens qui font la radio. Vous savez, M. Trottignon, M. Souillard, Radio Courtoisie existe depuis 1987 et elle n'a pas d'équivalent dans le monde. J'ai l'air d'exagérer, mais je n'exagère pas. J'ai lancé une enquête mondiale pour voir s'il y avait quelque part dans le monde une seule radio qui fût financée uniquement par les auditeurs. Il y a Canal 13 dans l'État de New York. Non. Mais ça remonte aux années 70-75. Non, j'ai envoyé quelqu'un aux États-Unis. Ils ne sont pas financés uniquement par les auditeurs. Ah bah alors, c'était quelque chose qui a disparu. Ils ont de la publicité, ils ont des subventions des entreprises. Nous n'avons pas de subvention de quiconque, ni privé ni public. Ce sont uniquement actuellement 12 000 auditeurs, et j'espère demain 20 000 ou 30 000, sur les 600 000 auditeurs que nous comptons actuellement et qui seront, j'espère, 1 million dans quelques temps, qui financent notre radio. Il y a, en termes comptables, je viens de voir les comptes de l'exercice 2010, ce sont les mêmes proportions qu'en 2009, nous avons 93% des recettes qui viennent des dons et cotisations des auditeurs. Les 7% restants, ce sont les recettes justement de ces manifestations, des ventes des CD-ROM, qui ont un coût en contrepartie, si bien que la marge nette sur ces recettes annexes, c'est peut-être 1 ou 2%. Donc à 99% ou 98%, la radio, la diffusion de la radio, est financée par les auditeurs, et uniquement par eux. Bon. Sachant que nous avons, évidemment, des salariés. Nous sommes en général bénévoles, les patrons d'émission sont bénévoles, Marie-Françoise est bénévole, mais nous avons 14 salariés qui font tourner la radio en permanence, des techniciens, des administratifs. Et nous avons des charges de diffusion, évidemment, ce n'est pas gratuit de diffuser la radio, que ce soit en modulation de fréquence, ou bien par Internet, ou bien par CanalSat, il faut payer. Bon, il faut payer cher. Mais au-delà de ces circonstances matérielles, ce que je vous dis là, M. Trottignon, M. Souillard, M. Mavrakis, M. Mavrakis est plus au courant peut-être encore, c'est pour vous montrer à quel point il y a un attachement de la part des auditeurs, adhérents ou sympathisants de Radio Courtoisie. Parce que pour accepter de payer pour un service gratuit, il faut vraiment aimer la radio. Vous êtes un espace de liberté, surtout. Et nous sommes un espace de liberté. Nous avons 74 patrons d'émission qui sont tous différents, bien sûr, qui ont des tendances très différentes, qui font des émissions très différentes, les unes politiques, les autres culturelles, etc. Et donc, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, nous disons des choses qui peuvent déplaire, mais avec liberté. Ce que nous disons sur la corruption, vous savez, je vous remercie, M. Souillard, M. Trottignon, de le lire, parce que et d'être venu à cette antenne pour le dire en toute indépendance, parce que je ne suis pas sûr qu'on vous donnerait autant la parole ailleurs pour le dire. On vous donnerait peut-être deux minutes pour exprimer votre point de vue et ensuite on passera au sujet suivant, non ? Ça m'est arrivé à l'occasion du procès Chirac d'avoir une émission d'une demi-heure, trois quarts d'heure, mais pas aussi longue. Pour le procès, exact. Je veux revenir à une question des auditeurs de tout à l'heure. Je crois que c'était votre auditeur royaliste, il me semble, qui parlait de la, et M. Souillard en a parlé, de la professionnalisation des élus. Effectivement, la République, au départ, c'était des citoyens qui se proposaient pour diriger les affaires publiques. Et avec le problème du cumul des mandats, quand même, qui était quelque chose que nous soulevons beaucoup à Anticor, on a à force des élus qui sont en place pour un tiers de siècle, tranquillement, pour diriger une ville. Et ce qui génère inévitablement, naturellement, du favoritisme, des conflits d'intérêts, du clientélisme, très insidieusement. Et c'est pour ça que Anticor, qui aussi ne reçoit aucune subvention au passage d'ailleurs, uniquement nos cotisations de nos adhérents, pour être indépendant. Donc Anticor, nous sommes opposés absolument au cumul des mandats. Et il y a des tentatives actuellement, parce qu'à suite à l'affaire Woerth-Bettencourt, il y a eu la commission Sauvée, où nous avons été reçus. Donc le Parlement, Assemblée, puis Sénat disent qu'ils vont mettre en place des commissions anti-conflits d'intérêts. Mais qui dirigera ça, justement ? Est-ce qu'ils vont faire appel à M. Carignon ou à Martin Hirsch ? C'est pas du tout la même chose, sur les conflits d'intérêts, par exemple. Mais enfin, souvent, il y a beaucoup d'effets d'annonce là-dedans, et la montagne accouche d'une souris. Je me souviens notamment de la commission Balladur, qui devait rénover la vie politique, je crois, au début du mandat de Sarkozy, qui a accouché de 70 propositions, je crois à peu près, dont la principale était interdire le cumul des mandats pour les parlementaires. Bien sûr, on n'en a jamais vu la couleur après. Il y a beaucoup d'effets d'annonce pour rien. Et nous, on considère qu'effectivement, le respect des électeurs, c'est d'accomplir 100% de son temps d'élu pour le mandat que les électeurs nous confient. Alors, vous avez cité Édouard Balladur. Il y a une affaire qui n'est pas jugée, donc il n'y a que des présumés innocents. Mais qui est quand même extraordinaire, c'est l'affaire de Karachi et le lien éventuel avec le financement de la campagne électorale de la présidentielle de 1995, puisque vous vous rappelez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, si vous avez lu la presse écrite, que le Conseil constitutionnel a accepté les comptes de campagne. Présidé par Roland Dumas. Ouais, alors qu'il n'aurait jamais dû les accepter, puisqu'il y avait une somme extraordinaire, je ne sais plus combien, 15 millions de francs, je crois, qui avait été remise en espèces sans aucune justification. Donc, honnêtement, ces comptes de campagne auraient dû être rejetés. Et d'ailleurs, les rapporteurs avaient conclu au rejet. Et ils ne l'ont pas été. Bon, et d'autre part, il y a cette possibilité de rétrocommission. Alors, je ne sais pas si M. Souillard ou M. Trottignon veulent faire un commentaire sur l'affaire de Karachi, compte tenu des éléments non démontrés qui sont dans la presse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Nous sommes partie civile, donc Anticor est partie civile dans l'affaire Karachi. Justement parce qu'il y a un risque de je crois que c'est d'ailleurs les autres parties civiles ont été déclarées irrecevables. Donc c'est là qu'Anticor peut intervenir pour pallier à l'absence de démarche citoyenne dans une plainte et dans une affaire pareille. Et effectivement, nous sommes partie civile dans le volet financier de l'affaire de Karachi, donc tout à fait en lien avec ces anomalies. Mais rappelez l'affaire. Alors l'affaire à la base, c'est la vente de, si je me souviens bien, de sous-marins, au Pakistan, avec des rétrocommissions, occultes prévues, probables, tout à fait. Alors attendez, il faut expliquer tout parce que les rétrocommissions c'était pas évident. C'est-à-dire que à l'époque c'était légal, maintenant ça ne l'est plus. Pour obtenir ces marchés au Pakistan, des commissions, c'est-à-dire des pots de vin, ont été versés à des dirigeants ou des décideurs pakistanais. La rétrocommission veut dire que l'intermédiaire qui va verser la commission en garde une partie pour lui. Il se fait ristourner. Se rémunère lui-même et ensuite reverse de l'argent en arrière à ceux qui ont été à l'origine de l'affaire et du pot de vin, c'est-à-dire peut-être ceux qui ont passé les marchés, c'est-à-dire des dirigeants français. Voilà. Et donc ces rétrocommissions étaient prévues par l'équipe Balladur, Léotard, voilà, à l'époque. Et quand Jacques Chirac a été élu à la présidence de la République face à Balladur au premier tour, il a décidé au bout d'un temps d'arrêter le versement de ces rétrocommissions, ce qui a pu éventuellement amener l'attentat de Karachi en mesure de rétorsion. Alors, c'est l'hypothèse retenue, semble-t-il, par le juge Trévidic. Ça semble semble-t-il. Voilà. Et dans le volet financier, donc, où nous sommes partie civile, effectivement, il y a de façon très étonnante des sommes assez incroyables qui auraient été soi-disant amenées par les militants au meeting d'Edouard Balladur. Une réunion publique, oui. Des t-shirts, etc. Ah, ben, attendez, vous me devez 2 euros, là. Ah. Vous voyez pas la des maillots, des t-shirts, des maillots. Tout à fait. Bon, je suis désolé. Donc, bref, j'en perds le fil. Donc, c'est voilà. Et donc, il est et effectivement, ce qui est scandaleux, c'est que le Conseil constitutionnel qui a validé ces comptes contre l'avis des rapporteurs était présidé par Roland Dumas. Donc, on a qui était une figure du PS fondamentale de l'époque. Qui a validé les comptes de Balladur en disant oui, il y a des anomalies très importantes, mais si on ne les valide pas, on est obligé d'invalider aussi les comptes de Jacques Chirac. Donc il faut refaire l'élection présidentielle, donc on n'est pas là pour ça, circuler, il n'y a rien à voir, quoi, grosso modo. Alors, nous allons citer un auditeur qui va nous ramener à l'affaire Bédier à propos de la radio LFM, qui est un scandale permanent. Un auditeur, monsieur le président de Radio Courtoisie, vous n'êtes pas sans savoir non plus que monsieur Bédier a créé à Mantes-la-Jolie une radio appelée LFM qui émet sur 95,5 MHz à une puissance telle que Radio Courtoisie est étouffée dans un rayon de 20 km et ce depuis 3 ans. Alors là, c'est moins de 3 ans. Cette radio LFM créée donc, financée, subventionnée par Mantes-la-Jolie, donc par Bédier. Permet effectivement à M. Pierre Bédier d'occulter Radio Courtoisie pour les électeurs de Mantes-la-Jolie qui ne nous entendent pas dire tout ce que nous disons. Et donc, ça n'est peut-être pas un hasard. Cette radio LFM, 95,5 MHz, alors qu'en région parisienne, Radio Courtoisie met sur 95,6 MHz, presque la même fréquence, hein, a été autorisée par le CSA. J'ai réclamé, mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, malheureusement, ne m'a pas donné satisfaction et a continué à autoriser cette radio LFM qui occulte Radio Courtoisie sur une partie de la région parisienne. C'est un scandale. Voilà, ça me fait penser à l'occupation. Il n'y avait pas des radios installées en territoire français, manipulées par des étrangers, d'ailleurs, qui avaient envahi notre territoire, qui essayaient de brouiller des radios de Londres, je crois. Alors, vous pouvez comparer effectivement Radio Courtoisie à Radio Londres. C'est-à-dire, en tout cas, c'est la radio de la liberté, la radio du pays réel. Non, mais pour moi, je vous le disais tout à l'heure, c'est un espace de liberté. Et quand on veut écraser la liberté, d'abord, on empêche de s'exprimer. Alors nous arrivons à la fin de cette première mi-temps de notre libre journal du lundi soir. Et donc, je vais garder Costas Mavrakis avec moi pour le reste des 3 heures. Mais là, comme nous allons bientôt quitter Hubert Souillard et Jean-Luc Trottignon, je voudrais rappeler qu'ils sont responsables d'Anticorps, association de lutte contre la corruption. Anticorps, ça veut dire anticorruption. Tout à fait. Je ne reprends pas la plaisanterie sur M. Tron que les auditeurs ont entendu au début de l'émission. Ça va lui casser les pieds. Absolument. Et donc, monsieur Souillard et monsieur Trottignon sont candidats aux élections sénatoriales du 25 septembre 2011, du dimanche 25 septembre 2011, élections, je le rappelle, au suffrage indirect. Donc la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie n'y participeront pas. Et la question que je vous pose quand même, c'est de savoir si vous allez perturber effectivement dans le département des Yvelines, là où vous présentez le jeu des partis politiques, si de plus, vous pensez, alors je ne sais pas si le sujet vous intéresse directement, mais quand même, un auditeur nous demande, je n'ai pas le temps de lire son message, mais je le résume, si vous pensez que le Sénat peut basculer. Alors d'abord, est-ce qu'il peut s'intéresser à la lutte contre la corruption, le Sénat? Et est-ce que vous pensez que la gauche peut l'emporter, peut devenir majoritaire au Sénat, monsieur Larcher, le sénateur maire de Rambouillet, peut-il perdre la présidence du Sénat? Vous êtes un adversaire politique de monsieur Larcher, monsieur Trottignon. Oui, en tant que président du principal groupe d'opposition. Voilà, et donc... est-ce que votre action vise à déboulonner M. Larcher et à lui faire perdre la majorité au Sénat? Ou bien est-ce que vous pensez, comme le dit un auditeur, que la franc-maçonnerie est très importante au Sénat et qu'elle va de toute façon verrouiller l'élection sénatoriale, l'élection du président du Sénat? Non, nous nous présentons à cette élection pour donner un porte-parole à une association anticorruption comme la nôtre, pour l'éthique en politique, pour mettre des garde-fous pour éviter les dérives des élus. Voilà, ça c'est le fondamental. Et Monsieur Larcher. Et Monsieur Larcher, ensuite, c'est intéressant pour nous dans les Yvelines, c'est symbolique, emblématique de se présenter dans le département où il y a eu donc ce soutien de l'UMP à Pierre Bédier et le soutien, rappelons-le aussi, à Monsieur Huchon au régional de 2010 du PS, alors qu'il avait été condamné pour prise illégale d'intérêt fin 2008. Donc c'est assez symbolique et M. Larcher refuse un petit peu également la transparence. Il a refusé, comme M. Poncelet, son prédécesseur, que la Cour des comptes vérifie les comptes du Sénat, par exemple. Donc, rappelons que M. Huchon est embêté actuellement, il risque de devenir inéligible parce qu'on risque de rejeter son compte de campagne. Oui, c'est parce qu'il chose. A utilisé les moyens, c'est une forme de corruption indirecte, il a utilisé les moyens de du Conseil régional. Pour se faire élire. Et pour ce qui est du basculement éventuel à gauche, il est logique que d'après les élections qui ont eu lieu depuis la dernière élection sénatoriale, la gauche progresse au Sénat. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? Je ne sais pas. Monsieur Larcher, qui est assez madré, dit « Oui, mais les contours ne seront pas les mêmes au Sénat. Je les gère, grosso modo. » Et donc, même avec une majorité de gauche, il a l'air de pouvoir prétendre pour continuer à avoir sa présidence. Mais cela dit, je ne suis pas certain que si le Sénat basculait éventuellement à gauche, il est possible que les Français aient des réflexes qui, finalement, aiment bien la cohabitation de temps en temps, et des réflexes de contrebalancier aux législatives, aux présidentielles suivantes. Donc, ça n'est pas forcément... Voilà, nous verrons. Attendez, si un président ou une présidente de gauche, un Sénat à gauche, les législatives peuvent être plus délicates. Ah oui, alors il est possible qu'aux législatives, après la présidentielle, il y ait des surprises, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, mais je me trompe peut-être, hein, mais j'ai plusieurs paris en cours, M. Sarkozy ne peut qu'être battu, à mon avis, mais ce n'est pas un pronostic très extraordinaire quand on voit les sondages. Hein. Bien. La question posée par l'auditeur est intéressante. Monsieur Souillard, vous qui êtes à l'UMP, vous souhaitez... Basculer à droite, basculer à gauche. Moi, je dirais que c'est une question subalterne. En fait, ce qu'il nous faut, c'est de bons représentants. Il y a à peu près 900 parlementaires. Je ne crois pas que ce soit un luxe de se payer un parlementaire qui soit entièrement dévoué à la lutte contre la corruption et qui aille dire à ses collègues du Sénat d'abord et de l'Assemblée ensuite, arrêtez vos jeux malsains qui tuent la démocratie. Moi, j'ai été, je vous le disais tout à l'heure, conseiller municipal et maire adjoint pendant 3 mandats, 18 ans. Je connais parfaitement la psychologie des conseillers municipaux et des maires adjoints et des maires. J'étais président de syndicat intercommunal aussi. Je peux vous dire qu'en fait, chez la plupart des conseillers municipaux, il y a un sentiment de révolte. Parce qu'en définitive, Ils savent qu'ils sont manipulés par les partis. J'appelle les 3200 grands électeurs des Yvelines à, comment dirais-je, se révolter, entre guillemets, et à voter pour quelque chose qui n'appartient pas au système. Qu'ils votent pour la liste anticorps, qu'ils votent pour M. Carignan. Il suffit d'avoir un sixième... Relevez la démocratie. Je remets ça. La liste Trottignon. Il suffit d'un sixième des voix, c'est-à-dire de 16,7% des voix pour que la liste obtienne un siège. Moi, je dis qu'il suffit qu'un électeur, un grand électeur sur cinq se décide à voter en dépit des consignes reçues pour que M. Trottignon, ce coup-ci c'est bien Trottignon, soit élu sénateur. Et je dis que ce sera à l'honneur de ces grands électeurs, dont vous êtes d'ailleurs... Absolument. Ben écoutez, moi je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je vais peut-être voter pour M. Trottignon. Je n'ai pas encore arrêté mon choix. D'ailleurs, j'attendrai d'avoir toutes les. Mais il faut dire quand même que je trouve M. Trottignon à la fois très, très compétent, très courageux et très sympathique, et que son action dans l'association Anticorps est tout à fait remarquable. Hein. Je crois qu'il faut des Français comme cela pour combattre la corruption. Merci beaucoup, M. Hubert Souillard. Merci beaucoup, M. Jean-Luc Trottignon. Je rappelle que vous êtes candidat au nom de l'association Anticorps, Anticorruption, aux élections sénatoriales du 25 septembre 2011. Merci.